Gavrilo Princip mourut le 28 avril 1918 de la tuberculose à l'hôpital de la prison de Theresienstadt. Le corps d'un soldat de la 8e armée allemande fut retrouvé le 2 juillet 1918 au bord d'un ruisseau par deux bûcherons, deux balles dans le dos. L'enterrement de Victor Clermont eut lieu le 14 août 1918. On rapporte que sa fille jeta dans sa tombe une paire de bottes noires.